بسم الله الرحمن الرحيم ندخل مباشرة في درسنا اليوم في باب التمييز الفامو تمييز كي يبذل التمييز أظن أن إن شاء الله في هذا الباب استبصرت أكثر تكون ميوساني كافون إلى الآن سيذكر الأشياء التي قد مرت بنا تمييز يبقى بكل كلام دسو سيان باب على باز يبقى بكل تفاصيل دلو. الحمد لله قال رحمه الله تعالى هو الاسم المنصوب والمفسر لمن بهم من الذوات او النصب او النصب بتو فوكس النصب والله اعلم ولا النصب j'ai toujours entendu le nasab. طيب دخل التمييز حكمه ما هو النصب النصب on a fait le tambih par rapport à in bahama c'est istabhama donc les zawat qu'on appelle les zawat يعني التمييز تفهم من هذا ان التمييز على قسمين وهذا قد ذكرناه في الدروس الماضية تمام دو سورت التمييز تمييز الذات والذوات والتمييز النصب الى دو تسمية تمييز الذات on appelle تمييز مفرد والنصب on appelle تمييز جملة تمييز الذوات c'est parce qu'il vient pour expliquer un ذات une essence une chose qui est elle-même abstraite. T'as besoin d'une explication. Et un nisab, un jumla, c'est un tamiz qui vient enlever une confusion dans une phrase. T'as besoin d'une chose qui t'éclaircit le mourad de la jumla. Hada maqam al tamiz. Qala wal dhat al mubhama arba'at anwa'. Al dhat al mubhama. Donc là, il parle maintenant de tamiz zat et qui rentre dans quatre choses. Ahaduha al-adad, nombre. Nahu, ishtaraytu 20 ghulaman. Wa malaktu 90 na'jatan. On a tamiz aynahu? Ghulaman wa na'ja. Là, c'est un zat du adad. Law kulna ishtaraytu 20 thumma waqaft. La hassala, yani ibham. عشرين ماذا؟ دوك لاس ماذا؟ يعني إبهام. كيس كي يفسر هذا الإبهام؟ التمييز. كذلك ملكت 90 نعجة. نفس الشيء. نعجة سي فمل دو موتون. بروبي. إي سو تمييز منصوب يفيا دو 11 إلى 99. التمييز منصوب تمام ايوه ما مذكور في النقطه الرابعه من 11 الى 99 اما ما ياتي من 3 الى 10 ومضاف اليه مجرور et certains disent que c'est un tamiz majrour il y a eu un khilaf par rapport à ça mais في الحقيقه si jamais ça a été vrai يخالف التعريف كان التمييز اللي منصوب تعريف اللي منصوب en tout cas le rôle c'est le même de 3 à 10 ce qui vient après c'est mudaf ilayhi comme son rôle c'est le même il vient pourquoi pour enlever une confusion يعني il vient te préciser la chose tu dis مثلا رايت ثلاثة tu veux dire ثلاثة ماذا رجال الثاني من الذوات المقدار les doses mesure kakolika ishtaraytu qafizan burran wa mannan samnan wa shibran arda donc ishtaraytu qafizan ça c'est maful bihi qafiz c'est une mesure qui était utilisée anciennement yani tout ça oui takriban 16 kilos peu près, ça fait 16 kilos aujourd'hui. Donc, bourre, c'est du blé. Bourron, c'est tamiz. Le kultash taraitu, kafizan, thumat taqif. On a besoin de quelque chose. Parce que quelque chose, c'est tamiz. Kazalik, mannan samnan. Al-man, kazalik, c'est un maquillil. C'est partie des maquillil anciennement utilisés. Et samn, c'est comme du beurre. C'est un peu une forme de beurre. Wa shibran arda. Shibr, c'est un... Je ne sais pas ce qu'on a dit. C'est un bout de terre. Parcelle de terre. Et ce tamiz-là, quand zakarnahu fi al-mumti', c'est quoi son takdir, en fait? Il y a un takdir qui t'aide à pouvoir le déceler. Si on peut faire moudaf, non? On peut faire moudaf. Moudaf ilayhi et kazalik. Fi takdir min. Takdir min. Parce que tu peux dire, je t'en ai tout. Kafizan min burrin. اشتريته منن من سمن وكذا قال والثالث شبه المقدار les choses qui ressemblent à مقدار qui prennent la le jugement d'une dose d'un dosage mais qui sont pas vraiment des dosages à la base نحو مثقال ذرة خيرة طيب qui est un grain varra je crois qu'ils traduisent par moutarde parce que varra à la base c'est aussi du maïs al muhim là c'est une dose, c'est-à-dire qu'elle est vraiment petite et nous le tamiz khayra tayeb khayra donc là c'est un shibh مقدار الرابع نقوم بالعدد ثاني المقدار ثالث شبه المقدار et dans le مقدار ça aussi les masafa les distances hein. comme شبر أردن ça c'est une distance c'est une mesure pour ورابع ما كان فرعا لتمييز نحو هذا خاتم حديدا وباب ساجا وجبتون خزن. Le tamiz est une comment on dirait. Il aussi rentre en takdir du min et du mudaf ilayhi. مثلاً هذا خاتم حديدا. C'est-à-dire que le tamiz est une parcelle de ce zat. Il en fait partie en fait. Khatam, c'est un anneau. Hadidan, c'est la matière. En fait, ce serait un anneau de fer. D'accord? Donc là, on pourrait dire Hadha khatamu hadidin ou Hadha khatamun min hadidin. Vous voyez juste que ça dit Hadha khatamun hadidan. Il est comme dans les migdar. Il y a un takdir de min et de idafa. Wababun sajan. Sajan, c'est du bois. Wa jubbatun khazan. Khazan, je crois que c'est une forme de soie. Allah alam. Qala. Donc ça, c'est le premier genre. Al-mubayyin li-ibham al-zat. Al-thani, al-mubayyin li-ibham al-nisba. Yani tamiz jumla. Celui qui vient enlever un ibham dans une jumla, dans une phrase. قال إما محول عن فاعل نحو تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما. Selon la prix. Donc c'est quoi cette tamise là, محول عن فاعل? C'est qu'en fait le فاعل on l'a pris, on l'a déplacé et on en a fait un tamise. Quand tu dis تصبب زيد عرقا, à la base تصبب c'est s'écouler. Est-ce que Zayd il s'écoule? À la base c'est Arak. Le os de la phrase c'est Tasabbaba Arak ou Zaydin. Donc le mudaf إليه on l'a rendu فاعل et le فاعل on l'a rendu تميز. Si je te dis تصبب زيدون après je m'arrête. On va dire je vais pas comprendre, j'ai pas compris. زيدون il dégouline مثلا de quoi? Tu dis عرقان. Tu dis ah. الأص تسبب عرق زيد, c'est-à-dire que la sueur de زيد a coulé. كذلك تفقع بكر شحما. تفقع c'est comme le fait de se plisser, d'avoir des bourrelets. Là-bas, c'est tafaka'a shahmu bakrin. Donc là, le tamiz, là-bas, c'était un fa'il qui était déplacé. C'est pour ça qu'on l'appelle muhawwal, un fa'il. Wa kadhalik, wa taba muhammadun nafsan. Qui en fait, c'est pour dire, ça traduirait par Muhammad et de bonne humeur. Là, je te dirais, taba muhammad, wahda, tu diras, il y a un problème. Taba maza. طاب ماذا تدي نفسا là-bas c'est طاب نفس محمد. On a dit quoi comme faïda que ces verbes là là-bas c'est des afhal qui sont لازمة à la base ما تنسب المفعول. Et là il y a un منصوب qui vient derrière, donc c'est un منصوب, c'est un tamiz, c'est pas un مفعول به. تصبب là-bas c'est pas un verbe qui vient derrière un مفعول به. Place في هذه الافعال لازمه. هي لازمه. وقوله تعالى واشتعل راس شيبا. واشتعل راس شيبا. Que la tête s'est remplie de cheveux blancs. اشتعل يعني معناه enflammé. À la base, quoi? واشتعل شيب راسي. C'est le premier محول عن فاعل. واما محول عن المفعول. Non, c'est le maf'oul qu'on a changé. Nahu wa fajjarna al-ard uyunan. Wa fajjarna al-ard uyunan. Le as c'est quoi? Wa fajjarna uyun al-ard. Le mudaf ilayhi on l'a rendu maf'oul bihi. Wa le maf'oul bihi de base on l'a rendu tamiz. Tu peux dire Mathalène également Adraktu hadhihi al-mas'ala je sais pas si ça rentre là-dedans. Là, l'exemple que j'ai en tête, je ne pense pas à ça. Qala ou an ghayrihima. Alors maintenant, ça peut être un muhawal du autre que le fa'il ou le maf'oul. Alain, yathkour, allazi wa muhawal an mubtada. Ana aktharu minka mala. Ana aktharu minka mala. Ana tamyizuna mala. Ali badil aya. Ana mubtada. Naam. أكثر خبر منك جر مجرور متعلق بأكثر بأكثر نعم وما لن تميز تميز أحسنت. الأصل هو مالي تمام أكثر من مالك. Donc là le تميز il est en fait il est محول du مبتدا. À la base c'est un مبتدا. مالي أكثر من مالك. وكذلك وزيد اكرم منك ابا. زيد اكرم منك ابا. ما هو الاصل؟ ابو زيد لا نعم هذا هو اكرم من ابيك. نعم واجمل منك وجها. وجه ابي اجمل منك وجه ابيك. احسنت. دونك لا اون لي بري لا قاعده كو كونت اسم مفعول كي اون اسم تفضيل الاصل انه تمييز الأصل أنه تمييز. طيب دونك لا سي محاولا عن المبتدا لي زيزام دوني توس لا دون سي زيكزومبل لا. قال او غير محول. Maintenant tu as aussi un tamiz qui n'est pas un muhawwal. Il n'a pas de place d'origine. Quel fut le mithal? Imtala'a al-ina'u ma'an. Imtala'a al-ina'u ma'an. En fait là, ce tamiz là, il pourrait, on pourrait s'en passer un peu. Mais il vient quoi? Préciser. Quand tu dis imtala'a al-ina'u ma'an, en fait le verre s'est rempli d'eau. Le kultulak imtala al ina, c'est pas le verset, le récipient en fait. Imtala al ina, je m'arrête. Tu peux te contenter de ça. Le récipient s'est rempli. Et quelqu'un veut dire de quoi? Tu veux dire quoi? Ma'an. Walillahi darruhu ou darruhu farisan. Là, c'est une expression un peu plus dure à traduire, je vais expliquer. Elle est souvent employée pour faire l'éloge de quelqu'un. Si tu dis walillahi salen dorruhu, quand tu viens à tamis pour dire ce que tu veux dire par là. Maintenant, tu vas dire Sheikh al-Albani, lillahi dorruhu muhaddithan. Par exemple. Pour vraiment dire que c'est un muhaddith exceptionnel. Tu vas dire an Sheikh Mokbir, Masan Rahimallah Ta'ala, tu vas dire lillahi dorruhu murabbiyan, comme éducateur. Cheikh Abu Bilal, Hafizahullah Ta'ala, wa lillahi darruhu nahwiyan. Fahim Ta'ala? Ta'ayyib. Et là, dans le même exemple, d'une, ce qui est Ghayl Muhawwal, c'est là que je vous donne l'exemple, c'est ici qui s'applique. Tu dis, مثلا, adraktu hadhihi al-mas'alata ilman. Toi, on peut dire adraktu hadhihi al-mas'ala. Mais tu précises comment, ilman, c'est-à-dire vraiment pour la science. Donc ça, il y a un sens, c'est juste que ça apporte une précision. Ouais, ça apporte une précision. Si tu l'enlèves, c'est pas dramatique. Mais si tu le rajoutes, c'est encore mieux. Tabaktu hadhihi al-mas'ala, mathalan. Tabaktu hadhihi al-mas'ala, amalan. J'ai appliqué cette mas'ala par l'acte, en fait. Tu peux dire tabaktu hadhihi al-mas'ala. Tu t'arrêtes. Tu précises, amalan. Quelqu'un va te dire Akmeltu al-Mushaf Hifzan. Sauf que celui-là, ce serait plutôt Muhawwal de Mafoul. À la base, c'est Akmeltu Hifzan al-Mushaf. Ce serait Muhawwal de Mafoul. Quelqu'un te dit Akmeltu al-Mushaf Hifzan. Quelqu'un te dit مثلاً Adraktu Adal Hadith. J'ai compris le hadith. Nahu zalika. Thumma qal shurut at-tamyiz. Wa la yakunu at-tamyizu illa nakira. Le tamyiz vient que nakira. Wa hadhihi mas'ala khilafiyya wa sahih an at-tamyiz qad yati ma'rifa. Qad yati ma'rifa. Wa yastadilun man yara hadha. بقول الله تعالى إلا من سفه نفسه إلا من سفه نفسه فهنا نفسه إلي تمييز على باز إلي مضاف دونك إلي معرفة هذا هو قول الكوفيين الشيخ الإسلام يوقع قول للصواب نفسه مضاف وقال ولا يكون الا بعد تمام الكلام بالمعنى متقدم في الحال من الابقيد هذا في الحال اتمام الكلام ما معنى اتمام الكلام يعني افاد الفائده تمام ان كل جزء اخذ جزءه الثاني كل ركن اخذ ركنه الثاني مبتدا ابقيد خبر الفعل ابقيد فاعل غير ذلك يعني الجمله تامه Ça, tu ne vas pas dire adraktu. Si tu dis adraktu ilman, là, c'est un faux bihi. Par pour l'exemple que j'avais donné moi tout à l'heure. Adraktu mas'ala ilman. Ma yajouz en akoul adraktu ilman. J'enlève mas'ala. Là, ça va changer. Là, si tu dis adraktu ilman, ça va être ilman, c'est un faux bihi. Ou tu dis mas'alan, ana min kamalan. Du man que wesh. Et je fais. Alors, un coup pour la semaine Batamis qui voulait, c'est carrément, c'est un, il te faut un nouveau femme là. Tu vois, Anna min kamalan. Là, tu vas dire, qu'est-ce que tu racontes? Tu es obligé d'avoir quoi là? Pourquoi? Tu n'as pas le khabar. Tu n'as pas le khabar. Tu as cool, Anna aksaru min kamalan. Ah, non. Taïb. Qala wa nasibu li tamiyiz al-zat al-mubhama tilka al-zat. Hada wa l'amil fi tamiyiz. Ce qui le rend moins sobre. Donc, tamiz zat, c'est le zat nefsoub. C'est à cool, je t'ai raïtou 20 kitaban. Kitaban, il est ma tamiz, mon sobre. C'est quoi la amil dans kitaban? C'est 20. Ah, même, c'est 20. Ou le tamiz, al nisba, al fialou, al musnad, il est. Et le tamiz, nisba, celui qui fait tamiz de la jumla, c'est la phrase qui seront dans la jumla. Mais des fois, on a un tamiz qui n'a pas de jumla. Capable de fial. Des fois, on a tamiz, mais c'est un aksar ou mikamalan. On n'a pas de fial. Mais c'est quoi la amil dans le tamiz? Aksar. Et c'est un tofdil. Fahim ta'ala? Dans l'ismoufad, le tamiz, c'est le mafoulbi. Là. Le rafan. C'est le zat. Le amil, c'est le zat. Qui a besoin d'un tafsir. Ça peut être... Fahimt? Qala wa la taqaddama at-tamyiz ala 'amilihi mutlaqan wallahu a'lam. Ça tu dis pas indi ardan shibrun. Là, tu vas dire indi shibrun arda. Ma yajuz taqaddum at-tamyiz ala al-'amil. Hada. Enfin, dans cette masala, le plus grand khilaf qu'il y a, c'est juste par rapport au tamiz, hal yatina kira ou ma'rifa. Ou le baqi, hada, tamiz, bab, sahl. La qu'il faut que tu attaches un tout de l'ikao, hina ma tara. Hada. Afouma hada? Taïe, fa ila huna, walhamdulillah bil alamin.